lents incertains se signent, la connexion en ligne fabrique des gens indignes aux circonstances suspectes. Être discret se collecte, la moi seule anonyme. Vous ici homonyme, une seule fois suffit. Soir de mai trahi, dans les ébats sans répit, arrive l'accident, tant pis, mais vite une thérapie. Tristesse, tristesse, l'entourage, l'entourage a fui. Tristesse, ce qui exaltait derrière une appli. Faiblesse, manque de courage aussi. Tristesse, ce que l'on cherchait, passager. Les cœurs seront vainqueurs, vainqueurs. Rassurés devant l'épreuve, ils feront tout ce qu'ils peuvent.